quand un de mes petits refrains sort de Gardave. Il rentre à la baraque, il se prend pas des bisous. Même la daronne m'a vu faire des bagarres. Toujours posté devant la cage comme si Rigou. Envie de les calages quand tu te vaches craquiritus. Quand ton malheur laisse apparaître un rectus. 1000 euros qu'il te frappe dans le riff avec Victou. Frère, t'as couché l'armoire, ça fait un lit de plus. Entre nous devant les autres, faut jamais qu'on se dispute. Même quitte à manger plus à la barre, on discute. En vrai, tu m'en veux, t'en parles à tout le monde. L'air de rien avec moi, jamais t'en discute. Moi, je pleure les défunts les jours de fête. Le shit calme plus comme une courte peine. Je connais des gens bien qu'on a marre d'être en chien qui prennent leur vie en main, couvre un four de cesse. Je me brûle en les frites, je vois ça comme un rappel. Sous-amené coffret de 3 kills plus en rappeler. Ta mère t'a vu vendre la mort flasher dans l'après-midi. Marcher avec un gueuche qui tue dans l'allée. Tous les jours c'est gris, tu fais comme si ça allait. Tu fais comme si ça allait. Je dis certains que tru, c'est comme si ça me parlait. C'est quand j'y crois plus que le soleil apparaît. Je m'endors sous que je rêve de bolo sans pagaille. Au point que j'ai le seum, pas tous pouvoir les viscères. Ray ça marche bourré, ça déclenche des bagarres. Pas le cas par cas comme un tir dans la citerne. En vrai t'as capté ma vie à les citernes. Même sur plage aux Seychelles, j'oublie pas mon chagrin. Souvent le gars avec un cerf dans la sacoche. L'air je m'aide à canaliser mes chakras. Le vécu pas l'image. Ce qui fait l'homme c'est le vécu pas l'image. Trouve ta valeur mon gars. Bouge pour tes refs, les yeux fermés, pas d'image. Pas d'image, pas d'image. T'as compris, pas de cinéma, non, pas d'image. Pas d'image, pas d'image. Pas respect, pas de cinéma, non, pas d'image. On fait les cons, on fait des bolos, on fait les cons. On fait pas de bruit, t'es dans le besoin, on fait les bons. Ramène des mecs qu'on connaît pas au quartier, dans le douche. Ramène ton rima qu'on a, on le prend, on le couche. J'demande une équipe par SMS, tout est dans le pouce. Il parle de ce veto d'alerte, on mec, dans le douce. T'as compris, pas respect, on parle peu. Passe à deux portes, t'accueillerai comme un frère. Mais rappelle-toi quand même qu'on sort pas de la même paire de yoku. Fais pas d'affaires avec moi, c'est toi et ta petite pétasse, vous parlez de tout. Dehors les schmutes n'avaient pas d'endurance, mais chez Wampapa me tarder le coup. Calal comme salami, je boirai ma taille et je lui prendrai le pouls. Il me dit que mon gars m'a pouki, je lui dis oui oui c'est ça. Je joue dans l'audition les insultes que je profère. Je faisais mes courses au rayon de l'amitié, y'avait que des teutres très bien trop chers. Nos jours on échange à coup d'un soir contre une teuté chiche à double te faire. La hagra ça paye pas mais crois pas non plus que la reste peut être offert. On va se prendre la tête pour du los. Ils croient que je viens pour la paix. Mais je suis le corbeau calbinos. Sous Belvédère Caraïbos. Faut pas qu'ils connaissent tes gimpotos. Ils sont jaloux quand tu prends du bon temps. 25 à 30 balles le kilo de banane. J'comprends quand le déballant tu sois pas très content. J'm'épile les poils des yeux en décoffrant la pâte à modeler. Le rein t'es tourne y'a des trucs à coffrer. À la recherche d'une daronne du père qu'à son appart à meubler. Comprends que j'étais négatif. La tis fait la diff je suis à vif. La vie me la mise au même endroit que le dollar, mais le bigot dans le préservatif. Le vécu pas l'image. Ce qui fait l'homme c'est le vécu pas l'image. Trouve ta valeur mon gars. Bouge pour tes refs, les yeux fermés, pas d'image. Pas d'image, pas d'image. T'as compris, pas de cinéma, non, pas d'image. Pas d'image, pas d'image. Pas respect, pas de cinéma, non, pas d'image. On fait les cons, on fait des bolos, on fait les cons. On fait pas de bruit, t'es dans le besoin, on fait les bons. Ramène des mecs qu'on connaît pas au quartier.